sac au plaqué maladroit. Une mélodie qui grandit pas à pas, couplets et refrains à saisir dans l'état. Ça vient du cœur, ça ne se négocie pas, c'est la panacée pour survivre ici-bas. Quand je te le chante et que tu n'entends pas, puisque je suis un grand déchu qui pleure l'amour perdu, puisque j'habite dans la rue vide les vaincus, avec toi tout serait possible si tu étais disponible. Comme dans un roman d'apprentissage, je garderai sur mon cœur ton